Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Pablo Neruda. Je ne suis pas un poète politique. Je déteste cette classification. Et mon ambition comme écrivain, s'il y a une ambition, c'est d'écrire sur toutes les choses que je vois, que je touche, que je connais, que j'aime ou que je déteste. Si Pablo Neruda refuse l'étiquette de poète politique dans cette entrevue qu'il accorde en 1971, il n'en reste pas moins qu'il passera à l'histoire comme l'un des grands poètes de l'Amérique du Sud et comme une figure politique importante du Chili du 20e siècle. Quant à sa poésie, disons qu'elle ne sera pas que politique, bien sûr. Neruda est un personnage fascinant. C'est le survol de sa vie et de son œuvre que je vous propose dans ce numéro d'Aujourd'hui l'Histoire. C'est très simple. Mon père était grand ennemi de la poésie, comme la grande majorité des pères de famille. Et il y avait un concours de poésie. Alors je ne voulais pas qu'on sache mon nom, mon public, mon nom, parce que j'avais un conflit avec mon père sur cela. Alors j'ai choisi, j'avais 14 ans seulement. Et j'ai choisi... J'ai lu une revue où il y avait une histoire très frappante qui était signée par un écrivain qui s'appelait Jean Neruda, et tchèque. Je ne savais pas qui était-il, mais tout de suite j'ai pris le nom Neruda, j'ai changé le nom, j'ai mis Pablo, et je croyais que ce n'était pas définitif, naturellement. Je croyais que cela allait durer pour quelques jours, mais cela a continué comme vous le voyez. Et quel est votre vrai nom, monsieur l'ambassadeur? Mon vrai nom est très long. Je m'appelle Ricardo Eliezer Neftali Reyes Basso Alto. C'est très long. Pablo Neruda, en conférence de presse à Paris en 1971, Neruda qui a été nommé ambassadeur du Chili en France par Salvador Allende à ce moment-là. Pour nous parler de la vie et de l'œuvre de Pablo Neruda, José Del Pozo, professeur associé au département d'histoire de l'Université du Québec à Montréal, auteur de nombreux livres sur le Chili et sur l'Amérique latine. José Del Pozo, bonjour. Bonjour. Il a été poète, bien sûr, il a été diplomate, il a été politicien engagé activement dans l'action politique, Pablo Neruda. Comment définir cet homme? Qu'est-ce qui, dans tout ça, le définit le mieux? Mais je comprends sa phrase lorsqu'il dit « Je déteste qu'on me présente comme un poète politique » parce que ça donne l'impression que sa poésie n'est vaut que pour son engagement. Alors, je comprends ça. Alors, je dirais que c'est surtout un homme qui a fait de la littérature, oui. Mais il reste pas moins qu'il s'est engagé beaucoup en politique. Et que même il a risqué parfois son intégrité physique, sinon sa vie. Et que certains de ses écrits, pas toujours, bien sûr, il y a de la poésie plus poétique, mais certains de ses écrits sont et restent quand même très, très politiques aussi. Il y a une volonté de prendre la parole dans son œuvre, en oui, partie. Oui, et la volonté de parler des marginaux, des exclus. Et l'un des poèmes que je retiens, c'est celui qui parle en espagnol, quiero saber quién eres, dónde vives, en qué trabajas. Il s'adresse aux hommes inconnus, aux êtres anonymes, parce qu'il veut savoir qu'est-ce qu'ils font de leur vie. Alors, il avait une préoccupation pour la masse anonyme, parce que, et là, c'était son engagement en fond politique. Ouais. Parce qu'il vient, il faut le dire, il n'y a pas nécessairement toujours un lien, mais parlons de ses origines. C'est quelqu'un qui est d'origine modeste, en fait. Oui, son père était un ouvrier de chemin de fer qui travaillait dans le sud du pays, un sud qui est très pluvieux et venteux, parce que notre sud, c'est le froid, alors qu'ici, c'est l'inverse. Oui. Et évidemment qu'il a mené une vie pas pauvre, mais un peu limitée matériellement. Et sa mère est morte à peu près tout de suite après sa naissance. Oui. Alors, il a été élevé par sa marâtre. Ouais. Il va écrire très rapidement. Il va s'intéresser à l'écriture très rapidement. À 13 ans déjà, un gamin, il publie un article dans un journal local. Oui, et sans doute il avait le talent inné. Il a pu commencer très... Et très tôt, il a commencé à être connu. Il a remporté un prix ou un deuxième prix lors d'un concours littéraire dans une ville proche de la sienne. Et plus tard, ces poèmes ont commencé à être publiés dans des revues littéraires à Santiago. De sorte qu'avant même d'être arrivé à la capitale, parce qu'il va y arriver à l'âge de 19-18 ans, il était déjà connu. Oui. Et puis il y aura ce grand coup de tonnerre dans le ciel. Il n'a à ce moment-là que 20 ans. En 1924, il publie ce qu'on considère comme son premier chef-d'œuvre, 20 poèmes d'amour et une chanson désespérée. Pourquoi c'est un livre important? Ben, Neruda lui-même, parfois, disait qu'il n'aimait pas ce livre justement parce qu'on l'associait trop à ce livre. C'est comme s'il n'avait écrit que ça. Ouais. Parce que ce sont des poèmes d'amour qui ont touché tellement de monde. Et alors, à peu près tous les jeunes au Chili pouvaient au moins dire quelques vers à propos des amours de jeunesse. Ouais. Et c'est un très beau livre de poèmes, sans doute, où il n'est pas question de politique là-dedans, c'est juste des sentiments. C'est le jeune Neruda qui prend la plume. Vous n'êtes évidemment pas, José del Pozo, un professeur de littérature, mais vous avez fréquenté Neruda comme lecteur. Comment vous la décririez, cette écriture de Neruda? Je crois que c'est un poète qui, à la fois, est capable d'écrire sur des sentiments très profonds, sur la nature humaine, mais aussi capable d'analyser, de décrire des mouvements sociaux, des mouvements historiques. Et il a fait cet énorme poème connu comme le Canto General, le chant général, qui est une véritable histoire de l'Amérique latine depuis le temps précolombien jusqu'à l'époque plus actuelle. El hombre tierra fue, vasija, párpado del barro trémulo, forma de la arcilla, fue cántaro caribe, piedra chipcha, copa imperial o sílice araucana. L'homme fut terre, vase, paupière de la boue tremblante, forme de l'argile. Il fut cruche caraïbe, pierre chibcha, coupe impériale ou silice araucane. Il fut tendre et sanglant, mais sur la poignée de son arme de cristal humide, les initiales de la terre étaient écrites. Personne ne put s'en souvenir ensuite. Le vent les oublia, le langage de l'eau fut enterré, les clés se perdirent ou furent submergées de silence ou de sang. La vie ne se perdit pas, frère pasteur, mais comme une rose sauvage, une goutte rouge tomba dans le fourré. Une lampe de terre s'éteignit. Il aura une carrière vraiment diverse, multiple. La poésie qui sera toujours là, l'écriture toute sa vie, l'engagement en politique active plus tard. Mais entre-temps, peut-être le trait d'union entre tout ça, cette carrière diplomatique. Ça commence à la fin des années 30. Qu'est-ce qui l'amène à la carrière diplomatique? Qu'est-ce qui l'amène? C'est d'abord qu'il avait besoin d'un emploi. Parce que, petite parenthèse, il était parti de son sud profond à Santiago pour faire une carrière. Il devait devenir professeur de français. Mais il a abandonné les études, déclenchant la colère de son père, qui lui a coupé les vivres. Alors, il avait besoin de quelque chose pour vivre. Et finalement, il a obtenu du ministère des Relations extérieures du Chili un poste de consul dans des pays exotiques. Oui. Il est allé en Birmanie, en Ceylan à l'époque. Aujourd'hui, c'est Sri Lanka. Et là, il a passé une période de sa vie de plusieurs années. Et il est revenu ensuite au Chili, chômeur, parce qu'on lui avait coupé son poste. Mais ensuite, il est redevenu diplomate. Il s'est spécialisé vraiment dans ses fonctions. Mais là, il est devenu diplomate connu avec ses missions en Espagne et au Mexique. Et ça sera important. Parlons de l'Espagne, parce qu'il va d'abord arriver à Barcelone en 34 comme diplomate, en 35 à Madrid. Et ça, c'est une période importante pour lui. Pourquoi? Parce que, d'abord, il s'est fait de beaucoup d'amis, des poètes importants, entre autres le célèbre Federico García Lorca, qui sera fusillé par les franquistes au début de la guerre civile. Et déjà, sa poésie était connue en Espagne, alors il n'est pas arrivé comme un simple diplomate qui écrivait un peu, non, il avait déjà des adeptes. Et comme la guerre civile a bientôt éclaté, il s'est beaucoup impliqué politiquement, d'abord dans ces comités d'écrivains contraires au franquisme, Il a participé à un énorme congrès à Valence avec des poètes de partout. Et plus tard, le fait le plus connu de lui, c'est d'avoir contribué, enfin, c'est lui qui a organisé le départ vers le Chili d'un navire avec 2000 réfugiés espagnols qui fuyaient le pays après la défaite dans la guerre civile. Oui. Et ça c'est un fait marquant dans l'histoire de l'immigration au Chili et en Amérique latine, parce que 2000 personnes pour un petit pays comme le Chili, c'était quelque chose. Oui. Il va poursuivre donc, il va poursuivre ses missions. Il va se retrouver entre autres au Mexique. Il ira au Machu Picchu aussi. Ça, on est quoi, en 43 à peu près. Oui. Et en octobre 43, c'était parce que après ces deux années et demie au Mexique, et où il a été salué, fêté, participé à d'énormes manifestations littéraires et sociales, il commence son retour vers le Chili. Et il fait un séjour à Machu Picchu. Et là, à moi, en tant qu'historien, ça me frappe beaucoup parce que dans mes cours, j'enseignais ça, le poème « Auteur de Machu Picchu », parce qu'il donnait toute l'interprétation du passé des Incas, de l'Empire des Incas. Et ben, le poème est très beau, et beaucoup le connaissent. Et c'est aussi pendant ce temps-là qu'il a décidé d'adhérer au Parti communiste. Alors, ce sont deux événements importants dans sa vie. Et la rédaction de ses poèmes célèbres et son adhésion au Parti communiste. Il va s'engager activement dans la politique. En 1945, en fait, il devient sénateur. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'il décide de s'engager dans la politique active? Mais son engagement, c'est presque comme une décision qui clôt toute une évolution. D'abord, son expérience dans la guerre civile espagnole, son opposition au franquisme, et son opposition au nazisme, son admiration envers l'Union soviétique, qui semblait à l'époque comme la patrie des marginaux, des exploités, le pays qui défendait les pauvres. Et donc, par conséquent, c'était des gestes presque logiques. Il l'a fait comme beaucoup d'autres intellectuels l'ont fait en Europe ou ailleurs, en Amérique latine. Et comme il était déjà célèbre, il a été élu sénateur pour le Parti communiste en 45 au Chili. Mais ça ne durera pas longtemps parce que en 47, il va tomber dans la clandestinité, il va devoir renoncer à ce poste. En fait, on va l'éjecter du Sénat. Oui. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ce qui se passe, c'est que entre 47 et 48, le président de l'époque, qui avait été élu avec l'appui du Parti communiste, et il avait même eu quelques ministres communistes au départ, se tourne complètement sa veste suite à des pressions des États-Unis. C'était la guerre froide qui commençait. Et il décide de déclarer illégal le Parti communiste, accusant ce parti de préparer une subversion, etc. Et c'est la chasse aux sorcières. Et c'est intéressant ça parce que les plus jeunes connaissent peu cette époque. Déjà, à l'époque, les militaires ont participé à la répression, qui n'a pas été aussi féroce, bien sûr, que celle de 73. Mais déjà, il y avait un jeune capitaine, Augusto Pinochet, qui a administré un camp de détention dans le nord du Chili. Parce que des milliers de communistes ont été arrêtés, privés de leurs droits civiques et emprisonnés. Oui. Donc, ce président Vidal... Videla. González Videla. Que Neruda avait appuyé, finalement, vire capo, et il va le plonger, lui et d'autres, dans la clandestinité. Ce qui fait qu'il va se voir bourlinguer beaucoup, là, dans cette période 49-52, se promener beaucoup dans les pays communistes, vous en parliez. Il est vraiment un farouche défenseur du communisme. Et puis, cette période, donc... autour de 1950, correspond aussi avec la publication de ce livre célèbre dont vous nous parliez il y a quelques minutes, cette œuvre maîtresse de Pablo Neruda, Le Chant Général. Bien, c'est un livre très important dans la production de Neruda, d'abord à cause du contexte de production. Il l'a écrit pendant sa clandestinité. Et le livre a été publié au Mexique et il a circulé aussi clandestinement au Chili, parce que la répression demeurait contre les communistes. Et c'est devenu une espèce de bible pour toutes sortes de gens, des amateurs de littérature, mais aussi d'histoire, des admirateurs de l'Amérique latine, qui avaient là comme un portrait d'ensemble de toute la région, et qui parlait de diverses étapes de son histoire. Bref, c'était une œuvre majeure de Neruda. Reprenons un petit peu le fil de notre récit, les années 50-60, donc une période, au fond, où il se consacre surtout à la littérature, très, très riche sur le plan littéraire, cette période-là. Et puis, à la fin des années 60, retour dans l'action politique, l'élection en 70 de Salvador Allende. Quel rôle va jouer Neruda dans cette élection-là? Il a joué un rôle un peu curieux. C'est que Allende a été proclamé candidat d'une coalition de partis. Chose qui est complètement bizarre ici au Québec, mais au Chili, c'est comme ça que ça s'est passé. Il y avait 6 partis qui formaient la coalition, mais avant de nommer Allende, chacun présentait son propre candidat. Et Neruda était le candidat du Parti communiste. Mmh. Mais il savait qu'il ne serait jamais le candidat définitif. Mais il raconte qu'à mesure que la campagne avançait, il a commencé à y prendre goût et à songer « Et si je deviens président pour de vrai ?» Mais bien sûr que non, c'était pas ça la stratégie. Ouais. D'ailleurs, le Parti communiste était un fidèle appui pour Allende. Il va se ranger derrière oui, Allende. Oui, bien sûr, fait. Bien sûr. Ouais. Avec oui. Le résultat qu'on sait, cette élection oui. d'Allende. Il va recevoir donc en 1971 Pablo Neruda le prix Nobel de littérature. Il est en poste à Paris à ce moment-là, nommé donc ambassadeur du Chili en France par justement Salvador Allende. Il va se rendre à New York à la suite de la réception de ce Nobel de littérature pour dénoncer au fond l'attitude américaine face au gouvernement Allende. Dans le même ordre d'idée, je vous propose un extrait de Pablo Neruda, extrait d'une conférence de presse donnée justement à Paris en 1971 quand il est ambassadeur et où il parle justement de cet isolement et cette méconnaissance de l'Amérique du Sud par l'hémisphère nord. Cet isolement continue jusqu'à maintenant. On ne connaît entre nos pays que les tremblements de terre ou les mouvements révolutionnaires ou les mouvements terroristes, mais de l'Amérique du Nord, nous connaissons tout. Les lecteurs vulgaires, les lecteurs courants connaissent tout sur le divorce des actrices de Hollywood et tout sur, naturellement, sur la princesse de Monaco, etc. Mais tout ce qu'on travaille, ou toute la lutte ouvrière, ou tout le développement social, les centrales syndicales, le travail des universités, et même les livres des écrivains de l'Amérique latine à peine traversent les frontières avec de grandes difficultés. Comment expliquez-vous, José del Pozo, cette ignorance, en tout cas relative certainement, cette méconnaissance de l'Amérique du Sud, des auteurs comme Neruda lui-même, qui est quand même une des grandes voix d'Amérique du Sud dans un pays comme les États-Unis, mais peut-être plus largement dans l'hémisphère nord justement? Oui, en fait, ce que Neruda disait à l'époque était en grande partie vrai. Il y a des nuances à porter, bien sûr, parce qu'il y avait des écrivains latino-américains qui étaient déjà traduits en France. Il y avait des maisons d'édition françaises qui faisaient ce travail depuis déjà la fin de la Deuxième Guerre, au moins. Il y avait d'autres poètes traduits comme Vicente Huidobro, chilien, comme les Guatémaltèques, Asturias, etc. Mais au fond, c'est vrai, l'Amérique latine était peu connue et c'est la révolution cubaine qui avait fait le plus parler de la région. Ouais. Alors, oui, Neruda a fait un plaidoyer qui était en grande partie fondé parce qu'on connaît peu, par exemple, la cinématographie latino-américaine. Ouais. Et c'est toujours la concurrence des États-Unis qui porte ombrage parce que, évidemment, que c'est difficile de concurrencer les films américains ou la musique américaine. Ouais. Il meurt, Pablo Neruda, le 23 septembre 1973, 12 jours seulement après le coup d'État fomenté par Pinochet contre le gouvernement de Salvador Allende. La mort de Neruda survient donc dans un contexte très, très particulier où cette dictature nouvelle vraiment fait la chasse aux sorcières à tous ceux qui ont appuyé Allende. On combat aussi toutes les idées qui se rapprochent de celles que défendait Allende. Écoutez le reportage, l'extrait de ce reportage de l'ORTF au moment de la mort de Neruda. C'est vraiment intéressant, ça nous en dit beaucoup sur le contexte, puis on y revient tout de suite après. Le quartier des Tours San Borja avait été entièrement bouclé, personne n'entrait ni ne sortait, les militaires réglaient leurs comptes avec les tenants de la révolution. Car ce n'était pas les armes qu'ils cherchaient, non, c'était les livres. Il était 15h45 lorsque l'autodafé commença. Par dizaines, par paquets entiers les bras chargés, les militaires descendaient des immeubles et jetaient au feu tout ce papier si dangereux. Parfois, l'un d'entre eux se risquait à regarder ce qui brûlait, mais très vite, il se faisait rappeler à l'ordre et le feu grandissait. Les gens pleuraient aux fenêtres de leur appartement, mais les militaires ne regardaient pas. Ils étaient les instruments du nouvel ordre moral, et c'est tout. Alors que ce soit Shakespeare, Mao, Gabriela Mistral ou Mayakovsky, tout y passait, tout se consumait à une allure vertigineuse. Vers 18h, un immense nuage planait sur Santiago, des bouts de papier brûlés voltaient dans l'air, l'atmosphère était étouffante. C'est à peu près à ce moment-là que Pablo Neruda entrait dans le coma. Quelques heures plus tard, le prix Nobel de littérature mourait, l'autodafé était terminé. C'est quand même très révélateur ce qu'on vient d'entendre sur le contexte, sur la coïncidence, en était-ce bien une, cette coïncidence entre la mort de Neruda et l'arrivée de Pinochet au pouvoir. En tout cas, le débat, tout de suite à ce moment-là, puis il n'est pas vraiment encore terminé, ce débat continue. Est-ce une coïncidence ou pas, cette mort, tout de suite, 12 jours après le coup d'État? Oui, il y a plusieurs débats actuellement au Chili à propos de la mort de certains personnages. Et on pense aujourd'hui qu'Allende ne s'est pas suicidé, mais qu'il a été assassiné. Et on pense aussi que Neruda a pu être empoisonné suite aux révélations de son chauffeur, qui après longtemps, s'est décidé à apporter son témoignage. Alors, il y a des opérations d'exhumation, de vérification de restes, autant dans le cas d'Allende que dans le cas de Neruda. Et même, en troisième, l'ancien président Frei, qui était décédé en 82, il y a de forts soupçons qu'il aurait été empoisonné par le régime militaire aussi. Un mot en terminant pour boucler la boucle, José del Pozo. Quelle place il occupe aujourd'hui, Pablo Neruda, au panthéon littéraire, je dirais? Mais il occupe une place prépondérante, je dirais. Et c'est à la fois le poète sûrement le plus connu au Chili, parce que qui dit poésie dit automatiquement Neruda. Mais aussi, c'est un personnage de stature internationale à cause de ses agissements en tant que diplomate, à cause de ses innombrables relations des amis qu'il avait partout, au Mexique, en Europe. Écoutez, c'est le Chilien le plus connu au monde, à côté de Salvador Allende, je crois. José del Pozo, c'était fascinant. Je rappelle que vous êtes professeur associé au département d'histoire de l'UQAM. Merci infiniment d'être passé nous voir. Je vous en prie. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp. À la prochaine.